Exercice 9, page 85. A. Il faut courir. Transformer. D'accord, on court. B. Il faut ouvrir. Transformer. D'accord, on ouvre. C. Il faut sortir. Transformer. D'accord, on sort. D. Il faut dormir. Transformer. D'accord, on dort. E. Il faut sonner. Transformer. D'accord, on sonne. F. Il faut voter. Transformer. D'accord, on vote.